silangang hugun. Please pay it to you. Passat kuhi le maita kafe silangang. Yeah dog, il doit être qu'il y a trop tard. Pour autre côté, faut avancer à grand pas. Les lamenteurs vous fait verser les vaisselles, pec et puis réparer les fils. Si on tient en famille, que fils, y'a suscité. Pas ton pec et ça substitué. À 9 mois, bouter l'amour tout en lignage. Et aboli la haine, la peine qu'on quitte dans le parage. Mon Dieu, veillez si yo, quand elle a trop chaud, les maïteurs qui avaient ses larmes. Il doit être qu'il y a trop tard pour ôter. Doit être ça aussi détente là, les derniers souffrent d'autres nègres. Couvert par détonation, que plus rien vient à la banque, je rabatte intention. On est graine pour tirer faute, ni graine pour assumer action. Trop tard pour battre ma chaouille, le grand frère qui est pour en chasse. My thug ni la rage, ils savent que c'est des thugs de race. Personne ne peut pas raisonner. Un homme qui partit, elle fait un con en détail conscient du chiffre 4. 4 planches, 4 murs, 4 pharaons endeuillés. Mon Dieu, yo pas sans ça, ni les my thugs finent pleurer vengeance. Pure, boîte crânienne touée. Mon Dieu, empêché, yo ça trop l'aide, les my thugs à pleurer. Les my thugs à pleurer. Les my thugs à pleurer. Pleurer, les my thugs fit pleurer.